Axel Overdrive on Radio Dio. Okay, great. Bloody great. Thank you, guys. Let's do another one. This is a rainbow in the dark. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Duo en ouverture. Duo avec son album Master of the Moon, réédité en 2019, toute la période, on va dire fin 90, début 2000. Ou alors le Killing the Dragon ont été réédités en format double CD et on retrouve pas mal de bonnes choses de ce CD comme ces morceaux live enregistrés sur la tournée 2004-2005 Rainbow in the Dark, donc la dernière tournée en fait de l'émission Showdown, dernier album en date, c'est sorti la semaine dernière sur Atomic Fire Music. Des influences, bien entendu, crossover, des influences hardcore, bien entendu, très inspiré par la culture manga, japonaise, etc. Et ce qui donne une saveur particulière à ce groupe français qu'on a du mal à identifier. C'est Rise of the North Star avec Showdown. Super bon. Show! yes. Rapide, incisif, des influences bien entendu de Machine Head, d'autres plus venus de la scène hardcore néo-metal, même un petit peu. Vraiment un super son, une super Rise of the North Star. Maintenant, grosse sortie de son 14 avril 2023, avec son nouvel album de Metallica. À la gueule, quasiment 90 minutes de musique qui pulse, bien entendu, et 80 minutes de musique qui pulse sur ce dernier album de Metallica, avec des morceaux assez directs, même s'ils peuvent parfois s'étendre en longueur. Quand on regarde pas mal de morceaux, dépassent les 5-6 minutes, et on a même un morceau de 11 minutes le plus long de la carrière de Metallica. Je crois que c'est aussi pour dire la vérité. Néanmoins, sur ce Metallica est un groupe qui polarise, qui divise beaucoup. Il y a les ultras, il y a les grands fans, il y a les fans occasionnels, il y a également les personnes qui ne supportent pas, qui ne supportent plus, également qui étaient fans jusqu'au Black Album, ou un peu avant, Master of Puppets, par exemple, et qui se trouvent un petit peu maintenant. Bref, mettez plutôt la radio. Ici, on n'a que des bonnes vibrations. Et on va s'envoyer ça tout de suite. 72 Seasons par Metallica sur ce morceau qui ouvre l'album. Morceau titre assez rapide, bien entendu, assez direct. Et qui fait bien, bien par où il passe. We'll be right back. Metallica avec ce 72 Season, morceau titre extrait de leur dernier album qui vient de voir le jour sur leur propre label Black and Records. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo, il est 22h passé de 0 minute. On passe au groupe Phantom Elite qui nous sort cet album Blue Blood. Il me semble que s'agit de leur première réalisation sur Frontiers Records. Du métal mélodique mais assez moderne, avec bien entendu tous les artifices que l'on retrouve de manière très commune de l'un dans beaucoup de productions de nos jours, même si ça peut être un peu tendance à sonner de manière générique, donc ce serait le reproche qu'on peut faire à ce genre de formation. Néanmoins, ça reste super bien fait. On s'en voit ça tout de suite dans Overdrive Radio Duo, Phantom Elite. Yes, vous venez d'entendre Phantom Blue et on continue avec le dernier album du groupe Saxon. Saxon nous revient avec son deuxième album de reprise. Donc ils en avaient fait un premier qui était sorti au cours du confinement. Inspirations, on retrouvait beaucoup de groupes des années 60-70, passé à un côté un peu plus heavy metal, hard rock. Et ils nous sortent la suite, donc toujours pas mal de groupes. De groupes qui ont pu voilà aussi pas mal d'années de carrière. On y retrouve le Sensational Alex Harvey Band, Alice Cooper, les Who, ZZ Top, Uriah Heep, Rainbow, Kiss, Nazareth, Cream également. On va se mettre un petit extrait de From the Inside de Alice Cooper. Donc From the Inside, c'est le super album de Alice Cooper qui était un petit peu l'album qui, sur lequel il avait connu des problèmes psychologiques. Ils étaient tout simplement retrouvés enfermés en maison psychiatrique. Ils avaient sorti cet album ensuite. On en voit ça. Avec The From the Inside, que le groupe Saxon, pour le coup, se réapproprie totalement. Et j'ai vraiment hâte d'écouter ça. Saxon qui reprend du Alice Cooper. Est-ce que Biff va pouvoir faire la voix du père Alice? On va voir ça tout de suite. C'est dans Overdrive Radio Duo. Canada, drinking whiskey in the morning light. I worked that stage all night long. At first we laughed about it, my lonely drunken friends. Prepared the toast to Jimmy's ghost. I never dreamed that I would wind up on the losing end. Stuck here on the inside looking out, just another case. Where's my makeup? Where's my face? On the inside. You all got your tricks for what you saw there. $8, even buys a folding chair. Held down in the sea comes on another flyer. Much obliged. The old rocks just could be good this time. It's hard to see where the fish is circling. Stuck here on the inside looking out. A stuffy disgrace. Where's my makeup? Where's my face? On the inside. On the inside. Thank you. Yes, yes, Demons Down dans Overdrive avec cet album I Stand sur Frontiers Records. Là aussi du metal mélodique. Maintenant, on va passer au chanteur australien, un peu plus français que les Australiens, avec Corey Lee qui nous revient avec son album Born to Lose. Cet album Long Overdue qui sort sur Vericords. Records pour tous les amateurs de rock à la Rostat, voilà, c'est bien entendu, et autres Angel City devraient apprécier Corey. Et si vous ne connaissez pas ce chanteur, qui était le chanteur de Green Dollar Color il y a de ça quelques années, qui a ensuite lancé sa propre carrière, une voix très chaude et un style qui fait taper du pied comme seuls les Australiens savent le faire. On s'en va tout de suite. Le morceau Born to Lose, et ce n'est pas une reprise de Motorhead. Correct. Voilà un morceau simple, bien envoyé. Et on va rester dans le bon rock maintenant avec Critical Pint, sorti sur le label MNO Music. Cet album First of All ravira tous les amateurs de classic rock, que ce soit de Clutch, de Rival Sons de, et autres Vintage Caravans. On s'envoie encore une fois le morceau Mojo's Working pour bien s'assurer qu'on passe un vrai bon vendredi soir. scary beat of echo. A surface place of death awaits no room. You've never seen something like this before. Straight Place dans Overdrive avec cet album Edge of Mist, des ambiances on va dire assez éthérées et qui vont on va dire de l'ambient jusqu'au metal extrême comme vous l'avez pu entendre sur ce morceau Inner City et ça sort sur Pluto Music. Voilà, maintenant dans Overdrive on va passer au groupe Tribulation qui nous reviennent avec cette EP, ça s'appelle Amarcia, ça sort sur Century Media et ils nous offrent une petite reprise du Blue Oyster Cult, alors dans une veine plus un peu plus extrême, néanmoins le titre est, parle sa mélodie et son rythme néanmoins assez fidèle et ça fait plaisir à entendre. Ce n'est peut-être pas le morceau le plus connu de Blue Oyster Cult, mais je l'aime bien. Donc c'est un Vengeance, le pacte tout de suite par repris par Tribulation. Vous écoutez Overdrive, il est 22h30 sur Radio Duo. Fear the terror sweeps into the sea. Yes, le groupe Tribulation qui reprend du Blue Oyster Cult. Tout de suite, on va passer maintenant à Storm Heaven. Storm Heaven qui nous sort cet album Blind Sight avec une superbe pochette. Ça voit le jour là aussi sur MNO Music. Peu de titres, tout juste 6 morceaux, mais ils sont pour la plupart très longs. Et bien entendu, on est sur du death metal à tendance quand même assez progressive, super bien joué et enregistré. On sent que le groupe qui nous vient, à mon sens, du sud de la sud-ouest de la France, avec donc guitariste, chanteur, bassiste, batteur et également keyboardiste, donc claviériste, nous fait un superbe boulot. On s'envoie ça tout de suite avec le morceau Vision, extrait de sa album Blind Sight par Storm Heaven. Vous écoutez encore une fois Overdrive Radio Duo. We'll be right back. Superbe album de death metal progressif et mélodique Storm Heaven avec ce Blind Sight pour un groupe français, vraiment une superbe production. Encore une fois, on ne le dira jamais assez, mais on a d'excellents groupes en France. Le 14 avril, il s'agit de la sortie Trash avec Metallica qu'on a passé en début d'émission, mais néanmoins pas uniquement, puisque le groupe Overkill nous sort cet album Scorched. Et même si j'apprécie quand même bien le travail des Four Horsemen, n'oubliez pas la bande à Didi Verney et à Bobby Blitz qui nous ont sorti là aussi une bombinette trash qui va filer des mandales au Big Four réunis. On s'envoie ça tout de suite avec le dernier album Scorch sorti aujourd'hui même sur Nuclear Blast Overkill. We'll be right back. Yes, excellent que ce dernier Overkill Won't Be Coming Back, extrait de cet album Scorched, jetez-vous dessus. S'il n'y a peut-être qu'un seul album de trash à acheter aujourd'hui, en ce 14 avril, à mon avis, c'est celui-là. Ensuite, du death metal ultra technique maintenant avec le groupe Gorod qui nous sort cet album V Orb, un groupe qu'on a vu monter année après année et qui fera la première partie de Meshuga sur la tournée française qui s'arrêtera du côté de Lyon au mois de mai. Et que dire sur cet album, Susnex, c'est super technique, ça ravira à la fois les fans de death metal à la Nile et de choses voilà, assez tech death comme on dit dans le milieu. God, we are the sun, gods, c'est sûr, Overdrive, Radio Dieu. Drops it, what was the cause of it? the leaden winter would bring you down forever. But you rode upon a steamer. Voilà, Overdrive, c'est terminé pour ce soir. On rappelle le www.radiodio.org et le www.facebook.com/overdriveradiodio pour retrouver les podcasts des émissions qui sont hébergés sur la plateforme Mixcloud. On se quitte au son de Saxon et de More Inspirations avec cette reprise de Cream, Tales of Brave Ulysses. Écoutez de la bonne musique, faites attention à vous, et si vous n'avez encore une fois qu'un seul album de trash à acheter, ce sera celui d'Overkill. Voilà, merci, ciao, bye bye. And the sparkling winds are calling you to kiss their whitening lips. You cannot leave her, for you touch the distant sands.